You know, when you'll be home? No idea. Okay, thanks a lot. してください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. M'entends? Et là-haut, c'est ça. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, bienvenue au Beau Bizarre pour une émission qui vous sera présentée ce soir par Alex. Salut. Fabrice. Bonsoir. Et Cédric, une émission qui va aujourd'hui vous proposer des morceaux dont les titres sont des noms ou des prénoms. Donc évidemment, ce genre de thème peut nous permettre d'aborder effectivement énormément de genres musicaux, puisque absolument tous les genres musicaux ont utilisé cette manière de faire, n'est-ce pas Fabrice? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur l'idée que en fait on pourrait faire une émission avec tous les genres musicaux. C'est une thématique très large on pourrait en commander d'autres. On aurait pu faire une thématique non prénom de gens célèbres uniquement. Exactement. Il y a des sous-genres là. Il y a des sous-genres. Ouais. Il y a des sous-genres en pagaille quoi. Donc on va commencer par quelque chose qui n'est même pas un genre musical. Non du tout, on va commencer par une conférence audio de quelqu'un d'assez célèbre, en tout cas chez nos amis les Belges. Pas seulement, Armand Fallière. C'est un morceau que c'est moi qui l'ai choisi, je vais expliquer un peu pourquoi. D'habitude on va pas dans les choses un peu personnelles, mais je vais me permettre de le faire. C'est un peu mon maître à penser et mon maître... c'est une grosse influence pour moi, notamment pour animer cette émission avec Alexandre et Cédric, comme vous allez pouvoir l'entendre dans quelques instants. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Alors, qui était Armand Fallière? Ah, eh bien non, Armand Fallière, il est bien connu en communauté française de Wallonie romane de Belgique francophone, puisqu'il s'agit du spécialiste. Du biographe de Claude François. Je vous propose d'écouter ensemble une de ses conférences. C'était les choses de la maison, un morceau que j'ai choisi ainsi parce que Claude François venait d'aménager et nous allons passer évidemment à la deuxième partie, nous retrouverons Claude François le 1er mai 1964. Voilà, ça c'est un petit blanc nécessaire pour forcément amorcer la chanson prochaine. Je ne sais pas si je peux faire autrement. Quand je vous dis nous retrouverons Claude François le 1er mai 1964, c'est plutôt Alain Montblois qui, dans un article daté au 1er mai 1964, fait le point sur la carrière de Claude François, qui, il y a un an, était encore un inconnu. Et alors que un an plus tard, c'est-à-dire en 64, il apparaît comme un conquérant sorti de l'ombre. Cet article est très riche et très fertile puisqu'il fait le point sur ses chansons, il fait le point sur sa vie, je vous le présente. Il est bien. Faut faire attention lorsqu'on utilise les mots, les verbes du peuple, le parler de la rue. Parce que du beau peut jaillir la laideur absolue. Et l'orgueil dont on se drape lorsqu'on est ceux qui ont mal, pour de vrai, pour de faux, ou par abus de langage, mérite bien un travail, ou au moins un arrêt sur soi. Et puis le talent, l'aspect novateur d'un style, ça veut dire quoi? Si ça nous fait pas aller vers l'autre, si ça nous fait pas aimer l'autre, c'est pas parce qu'on souffre qu'on est légitime, c'est pas ceux qui sont le plus mal qui sont les plus dignes. Alors, t'as des mecs qui ont voulu s'approprier notre langage, parce que ça fait vendre, parce que ça fait authentique d'être de notre lignage. Mais voilà, l'art véritable oblige à être responsable. Être rappeur, c'est la classe, ça parle aux gens, ça parle des gens. Alors on n'a pas le droit de jouer un personnage. Question, principe, on ne doit jamais oublier d'où l'on vient. Question, poétique, l'art ne doit jamais être mesquin. Faut faire attention lorsqu'on utilise les mots, le verbe du peuple, le parler de la rue. Parce que du beau peut jaillir la laideur absolue. À force de vouloir se faire rue, on est devenu caniveau. C'est pas que c'est inutile un caniveau, c'est juste qu'on est devenu des pas beaux. On peut pas dire qu'on soit les plus à plaindre, mais de là à dire qu'on ne fait que feindre. Les gars, ils se parlent entre eux, ils sapent, ils se rasent le crâne, ils se jauchent, ils aiment les marques, ils se volent leurs meufs, s'insultent en prose. C'est notre culture, c'est la culture de masse. C'est notre culture, c'est la culture des nazes. Et on en a rien à faire du reste, c'est ça qui est triste. Dans ce monde, y a-t-il une place pour la foi, pour la patrie, la famille? Et ça, ça nous concerne tous, qu'on parle mosquée, synagogue ou église, qu'on soit croyant ou spirituellement sans domicile fixe. Faire l'artiste jusqu'à ce que je sorte de ma nuit, parce que moi je sais qu'en vrai je suis tout petit. Faut faire attention lorsqu'on utilise les mots, le verbe du peuple, le parler de la rue. Parce que du beau peut jaillir la laideur absolue. À force de vouloir se faire rue, on est devenu caniveau. C'est pas que c'est inutile un caniveau, c'est juste qu'on est devenu des pas beaux. Des pas beaux. Céline d'Abdelmalik sur l'album Gibraltar. Alors même si ce n'est pas évident à l'écoute, il s'agit bien d'une référence à Louis Ferdinand à travers une réflexion sur la responsabilité artistique qui en même temps va égratigner le gangsta rap et les clichés qu'il entretient et véhicule. On va enchaîner maintenant avec quelqu'un aussi qui compte beaucoup après notre ami Falière pour Fabrice, je crois. Oui, un petit mot encore sur Armand Falière peut-être. C'était une séquence tirée du jeu des dictionnaires de la radio belge RTBF qui avait été enregistré durant la décade des années 90. Et c'est un sketch en fait de Philippe Gueluc. Voilà. Et bon, on va rester dans la francophonie avec un autre artiste assez polyvalent, comme Gueluc d'ailleurs aussi finalement. C'est Fred Poulet. Fred Poulet qui est pas excessivement connu, mais bon, qui est surtout connu pour il a sorti quelques albums chez Sarava. Il faut savoir qu'en fait il est peintre patineur, c'est-à-dire qu'il fait des décors de cinéma. En tout cas, il a commencé comme ça et depuis il a diversifié ses activités, puisqu'il fait aussi des performances, il fait des chroniques, il tient une chronique dans Vacarme où il a tenu, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un réalisateur de vidéoclips, il fait des musiques de films. Il a fait un film aussi, Vikash Dorasso, le footballeur. Substitute. Tout à fait. Tout à fait. Et il a fait, plus étonnant, c'est, j'ai appris en préparant, la présentation de Fred Poulet, j'ai appris qu'il avait fait aussi des musiques de films, et notamment il a fait une musique pour John Birut. Ah oui. Un film intitulé Elixir édition spéciale. Ah bah écoutez, voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Mais on l'a peut-être pas vu, mais l'enjeu c'est peut-être de passer un extrait, un de ces quatre. Oui, on pourrait faire en toute façon une émission sur les bandes originales de John B. Rood, parce qu'il y a eu mal de collaborations. Ouais, tout à fait. Intéressant. Tout à fait. Et donc on va écouter pour l'instant Fred Poulet et un morceau intitulé Alain Delon Jeune. Je ne dirai rien, je serrerai les dents, je serai bien dans n'importe quel vêtement. Je ne dirai rien pendant longtemps. Je serai Alain Delon jeune. Je ne dirai pas je t'aime. Je ne mangerai pas plus que je ne dormirai. Dans mes yeux passeront des phares, l'asphalte luira. Je ne dirai rien, je conduirai. Alain Delon jeune, Alain Delon jeune. À la fin, j'aurai raison ou bien je mourrai un destin. C'est ça qui m'attendait. Un chef-d'œuvre italien. Des cabriolets. Je ne dirai rien. Les dents, je les serrerai. Alain Delon jeune. Alain Delon jeune. Je ne dirai rien, je conduirai. Je ne dirai rien en cabriolet. Such a dote, marry me, Valerie. I'll be your pony if you'll be my Valerie. Giddy up, away, loneliness. Please, will you marry me? Oh, Valerie, will you marry me? Say you will. Oh, Valerie, oh, Valerie, you're like a gallery, my little cart of modern art. Oh, Valerie, oh, Valerie. I'm such a goat, hang me with your rope. I know I can be a bit of a tart sometimes, but I'll give you my heart for my crimes. So please, Valerie, be my blowpipe, and I'll be your poison dart. Oh, Valerie, oh, Valerie, you're like a gallery, my little cart of modern art. Oh, Valerie, I'm such a dote, marry me, Valerie. Oh, ben c'est abrupt. Oui, c'est une fin abrupte pour un morceau de Sun Jones, alias Baby Bird. C'était sorti sur son deuxième album, Bad Shave. Alors, Baby Bird, c'est des petites piécettes assez fantaisistes, pleines de surréalisme. Là, donc Valérie est comparée à une galerie dans ce morceau. Voilà, ça date de 1995. Et je laisse la parole à notre ami Fabrice pour la suite. Oui, bah la suite, on passe en 1996. Ah, tiens, un an plus tard. Avec Frank Sinatra, qui était déjà mort. Mais il était mort déjà, je comprends pas. Oui. Il était mort, oui. C'est le titre du morceau, hein. D'accord. Frank Sinatra. Sur l'album Fashion Nuggets, du groupe Cake, qui, signalons-le, a sorti un disque cette année intitulé Showroom of Compassion. Thank you. matinée dans le quartier latin. J'avais très froid aux mains le 28 février 1991. Oh, je m'en souviens très bien. Je l'ai noté dans mon calepin à la page 111. Je l'ai vu arriver rue de l'université. Il marchait difficilement à pas très lent. Il serrait sa canne blanche dans sa main aussi blanche. Il était rasé de près, ce qui me fait un drôle d'effet. Je l'ai suivi discrètement, il est rentré au tabac dans la rue des Saint-Pères en claudiquant. Il a pris ses gitanes sans demander quoi que ce soit. J'étais juste derrière lui, moi j'ai pris des lookies, puis je l'ai encore suivi jusqu'à chez lui, jusqu'à la rue de Verneuil, au 5 bis jusqu'au seuil. Non, je ne lui ai pas parlé, mais qu'est-ce que j'aurais raconté? Que j'aimais ce qu'il faisait, que j'aimerais faire des chansons. Qu'est-ce que ça peut lui foutre au fond que je fasse des chansons? Qu'est-ce que ça aurait pu lui foutre au fond que je fasse des chansons? Bord de son lit, en plein après-midi, complètement dénudé, avait-il fumé les gitanes qu'il avait achetées devant mes yeux éperlués, 5 paquets dans sa main de papier froissé que j'ai vu se refermer. Je l'ai vu acheter son tout dernier paquet. Le 2 mars 1991, est-ce qu'il avait tout fumé quand il s'est envolé vers Mélodie, vers Marie-Lou, vers l'homme à la tête de chou? Est-ce qu'il avait tout fumé quand il s'est envolé comme voulu? Tête de chou. De quel Serge il s'agit là, franchement. Ah ben moi j'en ai Fabrice a la réponse. Qu'une idée, je pourrais pas te dire, je sais pas. La seule chose que je me demande, c'est qui écrira une chanson sur Catherine une fois que Catherine lui-même sera très bonne question sera mort. C'est vrai. Alors est-ce que ça sera Bongo Joe? Mais je ne crois pas, puisque là nous allons écouter George Coleman, qui est un musicien américain de Floride. Dont la particularité est de jouer sur un bidon d'essence Texaco de 55 litres et qui perpétue un peu une tradition comme ça de musique enfin colporteur d'histoire comment dire, traditionnel. De traditionnel, ouais. Voilà. C'est ça, il perpétue un peu la tradition de s'accompagner juste avec une percussion. Bah oui. Et là, c'est un morceau, Héloïse, qui est peut-être un petit peu plus léger que le reste de l'album. C'est presque une petite balade pop, mais donc qui est martelé sur ce bidon au son si particulier. Ça date de 1969, c'était sorti sur un très gros label de blues qui s'appelle Arouli. Et voilà. Alors, bon, un petit peu juste enchaîner avec l'actualité, on parle de martèlement, juste pour signaler que les tambours du Bronx ont fait la musique du dernier film de Mathieu Kassovitz. C'est assez tonitruant, on pouvait s'y attendre. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour enchaîner. Et je crois d'ailleurs qu'après, on va passer à un genre un peu moins pop d'ailleurs. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Exactement. Thank you. you love me, Eloise. Door, if you please, Eloise. You say you'd love me forever. Your love would always be true. And now you telling me that you found somebody new. Eloise, you driving me mad. You keeps me sad. I still think you're the best I ever had. Eloise, I'm tired of old granddad. Cause you make me blue and sad. If you please. Come in. I ain't gonna do it. Come in. I know that's you, George. Stop acting silly. I know that's you. Come on in. I ain't gonna do it. That's what I ain't. I don't care. The ice man's here. He'll do it. Open the door if you please. Eloise. Eloise. Frankie to draw. 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Well, let's hear it for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. Let's hear it for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Frankie is so desperate. He's gonna kill his wife and kid.

Vikings. We're all lying in hell. Come on, get up. Get up. C'était Suicide avec Frankie Teardrop, tiré de leur premier album sorti en 1977. Ambiance super urbaine et puis qui évoque aussi la dureté de la vie en Amérique à cette époque-là. Hein, la vie de Frankie n'est pas une vie très facile, gay. Spécialement très gaie. Elle finit plutôt mal. Je pense qu'on va rester dans une atmosphère peut-être un petit peu sombre avec le morceau qui suit, Cédric. C'est une autre mythologie. Oui. On passe de la mythologie urbaine new-yorkaise à la mythologie grecque avec Jocasta, une version donc de Jocaste par Aeténor sur l'album Anform for Bla. Donc Jocaste dans la mythologie grecque, je rappelle que c'est l'épouse de Laios, le roi de Thèbes, et la mère de Œdipe. Donc pour les mécréants, hein, rappel des faits, elle se marie avec Œdipe sans savoir qu'il était son fils, et lorsqu'elle s'en rend compte, eh bien, elle se suicide. On va voir ce que cette histoire a pu inspirer à la bande de Omalé et Ténor. Jocasta, et d'ailleurs je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin ce soir, donc on vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne fin de soirée. Je rappelle aussi le site de l'émission, j'en profite, le beaubizarre.blogspot.com si vous voulez regarder la piste de la semaine prochaine ou nous laisser un commentaire. Allez-y, une idée de thème si vous voulez, bien sûr. Il n'y a pas de problème. On vous signale aussi, parce que je ne sais pas si on aura le temps de signaler la prochaine fois, qu'il n'y aura pas de Beau Bizarre durant les fêtes de fin d'année. Hein, c'est peut-être une occasion de le dire. On le confirmera. On confirmera. Plutôt la semaine. On n'est pas tout à fait sûr encore. D'accord. On va confirmer ça la semaine prochaine, je pense. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. La semaine après. Sentimental song. Could all be like